Section 17 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Charlotte. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale, les croisades. 1095 jusqu'à 1270. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rombaud. Chapitre 4, troisième partie. Frédéric II, les Siciles, la croisade. Par Charles Baillet. Frédéric II, roi de Sicile. De la mort d'Innocent III date réellement le règne de Frédéric II. Avec lui apparaît dans l'histoire du Moyen-Âge comme une famille nouvelle d'esprit. De nos jours, ceux qui se sont occupés de ce prince ont voulu traduire cette impression quand ils l'ont appelé, tantôt le premier en date des souverains modernes, tantôt le précurseur des tyrans italiens du XVe et du XVIe siècle. Aucun de ces termes ne suffit cependant pour préciser cette étrange et complexe physionomie. Jusqu'alors, la plupart des grands hommes politiques du Moyen-Âge, Charlemagne, Otto le Ier, Grégoire le VII, Frédéric Barberousse, sont des personnages tout d'une pièce. Il est relativement facile de pénétrer dans leur âme, d'analyser leurs pensées et leurs caractères. Entiers dans leurs idées, ils le sont aussi dans leur conduite. Ils s'entendent mal aux nuances et aux tempéraments. Marchant droit devant eux, d'une allure franche et ferme, ils montent à l'assaut des obstacles. Frédéric II a l'âme ondoyante, et dans son caractère se mêlent des traits en apparence contradictoires. Sceptique et astucieux, il apporte dans l'art de gouverner des habitudes politiques qui le distinguent de ses prédécesseurs. Il est plus fin et plus souple qu'eux, mais il n'a point l'énergie continue et opiniâtre de son père ni de son grand-père. Si, aux heures de crise, le sang de Hohenstaufen se reconnaît en lui, s'il retrouve leur arrogante vaillance et leur impitoyable cruauté, par d'autres côtés, il semble appartenir à une autre race et à une autre époque. Courtois, aimable, séduisant, il a déjà l'âme et la physionomie d'un prince de la Renaissance. D'autre part, qu'on l'étudie en Allemagne ou en Italie, non seulement sa politique, mais ses principes de gouvernement changent à ce point qu'ici, il laisse la féodalité maîtresse, tandis que là, il organise le pouvoir royal sous les formes les plus absolues qu'on eût encore vues. Aussi faut-il renoncer à introduire dans son portrait une unité qui n'existe pas dans sa conduite. Du récit même des faits se dégagera mieux cette figure aux aspects multiples et changeants. Pour bien le comprendre, c'est dans le sud de l'Italie d'abord qu'il faut examiner son œuvre. Fils de la Sicilienne Constance, il y a été élevé et plus tard il a toujours aimé y vivre. Par ses goûts et la culture de son esprit, il rappelle d'ailleurs ces rois normands dont il était l'héritier et qui, placé au point de pénétration du monde arabe, du monde grec et du monde latin, s'est efforcé d'en combiner les éléments et de maintenir ainsi une civilisation mixte, pleine d'éclat et de vie. Dans ce royaume, qui comprenait la Sicile et le sud de l'Italie, il a travaillé d'abord à rétablir l'ordre, profondément troublé depuis la mort de Guillaume II. Quand Innocent III était devenu le tuteur de Frédéric encore enfant, les Arabes de Sicile, craignant d'être persécutés, s'étaient soulevés. En vain, le pape avait promis de respecter leurs coutumes et leurs privilèges. Il avait fallu combattre. Vaincu en 1200, il s'était de nouveau soulevé. De 1221 à 1225, Frédéric entreprit leur soumission définitive. Ce fut alors qu'il s'avisa de transporter dans le sud de l'Italie, à Lucera, puis à Nocera, une partie des Arabes de Sicile et d'en former des colonies guerrières. Par là, ils s'assuraient de leur fidélité, et en même temps qu'ils organisaient une milice vaillante, prête à combattre pour lui sans scrupules religieux. Vers la fin du règne, il y avait à Luqueyra une population d'au moins 60 000 âmes. Un tiers environ étaient des guerriers, et ces Sarrasins figurèrent dans les guerres de l'empereur en Italie, au grand scandale de la chrétienté. Ce n'étaient point seulement les Arabes qu'il fallait dompter. À la mort de Henri VI, les troubles qui en étaient résultés avaient favorisé les tentatives d'indépendance de ces provinces méridionales, où la domination impériale ne s'était établie que par la violence et la cruauté. Bien des seigneurs normands et italiens s'étaient affranchis de fait, et, quand Frédéric fut en âge de gouverner, ce ne fut qu'après plusieurs années qu'il se rendit vraiment maître du pays. Encore, au cours de ses luttes avec la papauté, vit-il plus d'une fois le Sud en profiter. Tandis qu'il était en Palestine, de 1228 à 1230, les troupes pontificales ayant envahi la terre de la Bourg sous la conduite de Jean de Brienne et de deux cardinaux, plusieurs seigneurs se soulevèrent. L'Apulie s'insurgea presque tout entière et la révolte s'étendit même à quelques parties de la Sicile. Quelques années plus tard, Messine, Catane, Syracuse et d'autres villes prennent les armes pour défendre leur liberté menacée. 1232. En 1234, les tentatives se produisent encore en Italie. Tous ces mouvements furent réprimés avec une extrême rigueur. Ce fut surtout en 1231, par les constitutions du royaume de Sicile, promulguées à Melfi, que Frédéric organisa l'administration du royaume. À l'état féodal, il voulut substituer un régime monarchique où le roi, en retour de l'ordre qu'il assurerait au pays, disposerait d'un pouvoir sans limite et absorberait en lui toute la vie publique. Nul encore en Europe n'avait osé tenter une transformation aussi radicale. Aussi a-t-on prétendu que les Capétiens s'étaient inspirés de son œuvre. La féodalité est attaquée à la fois dans ses biens et dans ses privilèges. Les terres qui ont été distraites du domaine royal y feront retour. Les châteaux, les forts construits par les seigneurs depuis la mort de Guillaume II, seront détruits. Soumis aux fonctionnaires royaux, les nobles ne pourront recourir au duel que dans les cas spécifiés. La mort frappera quiconque suscitera une guerre publique. Le noble coupable d'homicide sera décapité, ses biens seront confisqués. Seules les personnes au service du roi peuvent porter des armes. Enfin, les seigneurs n'ont plus même le droit de marier leurs enfants sans l'assentiment royal. S'ils conservent dans leur domaine la juridiction civile, ils n'ont plus de juridiction criminelle. Pour l'Église, Frédéric II n'est pas moins sévère. Il la soumet à la juridiction royale, aux impôts. Il la dépouille de toute juridiction sur les laïcs, sauf pour les cas d'adultère. Il interdit aux clercs les fonctions publiques et les renferme dans leur rôle religieux. D'autre part, il brise la féodalité ecclésiastique en prohibant les dons et les ventes de terres aux églises. Dans ce royaume, où aucun pouvoir indépendant ne doit subsister à côté du sien, ils n'ont pas non plus toléré d'arrogantes municipalités comme celle du Nord. Défense est donc faite aux villes d'élire des podestats, consuls ou recteurs. Néanmoins, dans les villes du domaine, le fonctionnaire royal qui y gouverne est assisté d'un conseil de notables, élu par les habitants. Le roi convoque aussi des délégués de ville aux assemblées générales au parlement du royaume qu'il réunit. Il est vrai qu'on ne sait quel y était leur rôle et s'ils étaient appelés à donner leur avis ou seulement à recevoir des instructions. Au-dessus de la féodalité seigneuriale, du clergé, du peuple dépouillé de leur autonomie, Frédéric établit une administration savamment coordonnée. Tout en haut, le roi qui seul a le pouvoir de faire les lois. Une cour suprême de justice, Magna Curia, siège à Capoue, composée de 4 juges sous la présidence du grand justicier. Elle connaît en première instance de toutes les causes féodales, on appelle de toutes les affaires portées devant elle. Une haute cour financière, Magna Curia, Rotianum, surveille tout ce qui concerne les impôts, les revenus du domaine. Dans les provinces, les camériers sont chargés des affaires financières et civiles, les justiciers des affaires criminelles et de la police. La justice est gratuite. Pour qu'elle soit impartiale, les justiciers doivent être étrangers à la province où ils exercent leur office et n'y avoir ni parents ni biens. Au-dessous, des baillis ou des baëls ont des attributions à la fois administratives, judiciaires, financières. Ils jugent en première instance les affaires civiles, surveillent la levée des impôts. Les fonctionnaires locaux sont d'ailleurs soumis au contrôle du grand justicier qui doit, une fois chaque année, parcourir les provinces du royaume. Ces constitutions, qui donnaient à la royauté absolue une organisation si nette et si ferme, provoquèrent, entre autres protestations, celle du pape. Grégoire IX accusa Frédéric de se montrer persécuteur de l'Église et oppresseur de la liberté publique. La civilisation à la cour de Sicile. Frédéric apparaît comme le représentant d'un esprit nouveau. On a pu le saluer comme le précurseur de la Renaissance italienne sous sa double forme, l'humanisme littéraire et la culture artistique. Élevé à cette cour de Palerme, où se rencontraient, dès le siècle précédent, les savants arabes, grecs et latins, il est lui-même versé dans les connaissances mathématiques, curieux d'histoire naturelle, d'astronomie et d'astrologie, chose qu'on ne séparait point alors. Son traité de Vénerie, De arte venandi cum avibus, atteste ses connaissances anatomiques et zoologiques. D'ailleurs, il forme de véritables ménageries d'animaux de l'Orient, qu'il traîne après lui dans ses guerres en Italie. Il s'occupe de médecine, d'art vétérinaire, de chirurgie. On lui attribue diverses recettes. Il sait plusieurs langues. Outre l'italien et l'allemand, le français, le grec, l'arabe. Il compose des vers en latin, mais il en compose aussi en langue vulgaire, et Dante, dans son De Vulgari Eloquio, a pu parler de lui comme d'un des ancêtres de la poésie italienne. Autour de lui se groupe toute une école de troubadours siciliens qui, à l'exemple des troubadours provençaux, chantent l'amour et la volupté. Parmi eux, suivant son exemple, de graves hommes d'État, comme son chancelier Pierre de la Vigne. La science, la culture ne sont pas pour Frédéric objet de simple curiosité. Il y voit un des éléments de la prospérité publique. Dans le royaume de Sicile, d'après un témoignage contemporain, il n'y avait avant lui que peu ou point de lettrés. Pour y répandre l'instruction, il crée l'université de Naples. Il est le premier empereur qui ait eu l'idée d'une fondation de ce genre. Note. Le roi Alphonse VIII de Castille l'avait, il est vrai, devancé en fondant, de 1212 à 1214, l'université de Palencia. On sait aussi quelle faveur Philippe Auguste avait témoigné aux maîtres et aux étudiants de Paris. Fin de note. Dans la lettre par laquelle il l'institue et qu'il envoie par tout le royaume, 1224, il déclare qu'il veut que beaucoup de gens deviennent habiles et sages par l'instruction. Toutes les connaissances seront enseignées à Naples, afin que ceux qui ont faim de science trouvent dans le royaume même la nourriture dont ils sont avides, qu'ils ne soient pas forcés de s'expatrier pour s'instruire et d'aller mendier le savoir à l'étranger. À Salerne existait une école de médecine célèbre. On connaît les noms de maîtres qui y enseignèrent au XIe siècle, même avant. Frédéric la protège. Nul ne pourra pratiquer la médecine ou la chirurgie dans le royaume de Sicile sans avoir passé la licence à Salerne. 1231. Il attire à sa cour les lettrés, les savants, comme Michel Scott, qui traduit pour lui plusieurs traités d'Aristote, notamment l'histoire des animaux. Il écrit à l'université de Naples, en lui adressant ses traductions, que la science doit aller de pair avec les lois et les armes, que sans elles, la vie de l'homme ne saurait être dignement employée, et qu'elle fortifie la vigueur de l'âme. Il rappelle que lui-même, après l'avoir aimé dès ses jeunes années, tâche encore de s'en occuper au milieu des affaires publiques. Après avoir fait traduire ses ouvrages d'Aristote, « Nous avons pensé, dit-il, que nous n'aurions d'agrément à en jouir que si nous faisions participer les autres à un si grand bien. Personne n'a plus de droit à posséder les sources de la sagesse antique que ceux qui s'en servent pour calmer la soif de science de la jeunesse. » Dans une lettre aux habitants de Versailles, se rapprochant plus encore des conceptions d'un autre temps. « Nous pensons, écrit-il, qu'il nous est profitable de donner à nos sujets le moyen de s'instruire. La science les rendra plus capables de se gouverner eux-mêmes et de gouverner l'État. » Parmi ceux que protégea Frédéric figure le grand mathématicien du XIIe siècle, Léonard de Pise, qui introduit chez les chrétiens l'algèbre, les chiffres arabes, et qui dédie à l'empereur son traité des nombres carrés. Peu lui importe, d'ailleurs, la religion ou les croyances de ses protégés. La science arabe surtout l'attire. Un savant juif, Jacob ben Abba Mari, établi à Naples, traducteur d'ouvrages d'Averroès, rend grâce à Dieu, qui a mis dans le cœur de notre Seigneur l'empereur roi Frédéric, l'amour de la science et de ceux qui la cultivent, qui l'a rendu bienveillant pour lui au point de subvenir à tous ses besoins et à ceux de sa famille. Il est en relation avec les savants arabes d'Égypte, d'Espagne, d'Afrique. Il fait venir auprès de lui Ibn Sabine de Murcie. Il leur pose des questions sur le monde, sur l'immortalité de l'âme, dont le texte, accompagné des réponses, a été conservé en arabe. Ce sont les questions siciliennes. D'ailleurs, il emprunte aux Arabes non seulement leurs connaissances, mais leurs mœurs. Trois fois marié, il s'entoure de maîtresses. À Lucera, il semble bien qu'il ait eu un harem avec concubines, almées, odalisques. Dans une de ses lettres, il s'occupe de leurs costumes, de leurs dépenses. Même dans ses guerres, il est escorté d'un troupeau de femmes. Les idées religieuses de Frédéric II. Quelles peuvent être les croyances de cet étrange esprit? Ses adversaires l'ont accusé de n'être point chrétien. Dans une lettre à tous les prélats et à tous les fidèles, le pape Grégoire IX écrit « Nous sommes prêts à prouver que ce roi de pestilence affirme ouvertement que le monde a été trompé par trois imposteurs, à savoir Jésus-Christ, Moïse et Mahomet, que deux d'entre eux sont morts pleins de gloire, tandis que Jésus a été suspendu à une croix. De plus, il a osé prétendre que ceux-là sont des sots qui se figurent qu'un Dieu, créateur de l'univers, a pu naître d'une vierge, déclarant enfin que l'homme ne doit absolument croire que ce qui peut être démontré par la force des choses et par la raison naturelle. Un agent du pape, Albert de Béham, reproche à Frédéric de croire que l'âme périt avec le corps. Rien ne prouve que l'empereur ait poussé à un tel point le scepticisme et l'irréligion. Souvent même, il a protesté de l'intégrité de sa foi, et, afin de fortifier ses affirmations, il poursuivit cruellement les hérétiques en Italie et en Allemagne. Il multiplie les édits contre eux. Celui de Ravane, en 1232, est particulièrement terrible. Malgré ses excès de zèle, plus d'un passage de sa correspondance atteste que ses idées étaient singulièrement hétérodoxes. A-t-il songé parfois à fonder une église indépendante dont il aurait été le chef? On l'a soutenu. Dès 1227, il rappelait que l'Église primitive avait pour base la pauvreté et la simplicité. Il condamnait le luxe et les richesses des clercs, et, au cours de la lutte contre la papauté, il en arriva à se proposer comme le chef de la réforme de l'Église. « Assistez-nous, écrit-il, contre ces superbes prélats, afin que nous affermissions l'Église, notre mère, en lui donnant des guides plus dignes de la diriger et que nous puissions, comme c'est notre devoir, la réformer pour son bien et à la gloire de Dieu. » Aussi on vit-il les États, dont les princes sont les chefs spirituels ou exercent sur les ministres de la religion une autorité souveraine. « Heureuse l'Asie, écrit-il à l'empereur grec Vatats. Heureuses les puissances de l'Orient qui n'ont à redouter ni les armes de leurs sujets, ni les intrigues de leurs pontifes. » Sous l'influence de son goût pour la civilisation arabe, rêvait-il de devenir dans le monde chrétien un commandeur des croyants? D'autre part, il semble qu'il veuille emprunter à l'ancienne Rome la doctrine de la divinité impériale. S'il parle de sa ville natale, « c'est un devoir pour nous, dit-il, de chérir Yézi, noble cité de la marche, où notre divine mère nous a mis au monde, où s'est répandu l'éclat de notre berceau. Jamais cette terre bénie, cette Bethléem où César a vu le jour, ne sortira de notre mémoire et de notre cœur. » Autour de lui, on adopte ses idées. L'empereur devient un vice-dieu. Un de ses fidèles déclare que Dieu a pour coopérateur et pour vicaire établi sur la terre l'empereur de Rome, souverain de nom et de fait, dont l'esprit divin est dans les mains de Dieu qui le tourne là où il veut. Le chancelier Pierre de la Vigne est transformé en apôtre. Pierre, sur la pierre duquel est fondée l'Église impériale, Pierre en qui se repose l'âme d'Auguste quand il fait la scène avec ses disciples. À cette époque, où la fièvre mystique se propageait à travers l'Italie, où l'on prédisait l'avènement d'une Église nouvelle, peut-être Frédéric chercha-t-il à détourner en sa faveur ses rêveries. Jusque dans la chambre du pape, on trouvait ces vers. Le destin nous annonce, les étoiles et le vol des oiseaux nous prédisent qu'il n'y aura plus qu'un seul marteau pour tout l'univers. Rome, qui chancelle depuis longtemps, poussée dans les voies de l'erreur, tombera et cessera d'être la capitale du monde. Et le pape prétendait que Frédéric était l'auteur de ces vers. De ces propos où les souverains païens se mêlent si étrangement aux éléments chrétiens, on ne saurait toutefois conclure que Frédéric ait voulu fonder de propos délibérés une religion nouvelle et unir en lui le sacerdoce et l'empire. Des menaces, des paroles qui lui sont échappées au moment les plus critiques de sa lutte contre la papauté ne doivent être interprétées qu'avec prudence. D'ailleurs, dans ces régions de l'Italie du Sud, la vie spirituelle même prend des aspects nouveaux. C'est en Calabre que le pieux abbé Joachim de Fleur, 1132 jusqu'à 1202, entraîné par les visions de son imagination mystique, prêche dans ses écrits l'Évangile éternel, l'avènement du règne de l'Esprit-Saint, après celui du Père et celui du Fils. Doctrine séduisante qui attire les intelligences en même temps qu'il charme les cœurs, car elles évoquent l'image d'un christianisme à la fois plus pur et plus doux, toute lumière et toute charité, où les doutes et les angoisses s'évanouissent dans la pleine possession de la vérité. Les disciples de saint François les reprendront avec ardeur au siècle suivant. Frédéric II et Honorius III. Pupille d'Innocent III, Frédéric, dans sa jeunesse, n'avait échappé à la ruine que grâce à la papauté. Il avait débuté par être le « roi des prêtres », selon l'expression d'Otto IV. Aussi avait-il commencé par prendre vis-à-vis d'elle tous les engagements qu'elle avait demandés. Il en était un surtout qui tenait à cœur au pape. Si le royaume de Sicile et l'Empire étaient réunis dans les mêmes mains, en cas de conflit, la papauté était enveloppée de toutes parts. Lorsque Innocent III disparut, il se trouva que le nouveau pape, Honorius III, de nature débonnaire, avait été le précepteur de Frédéric. Entre lui et le roi se joua pendant quelques années une étrange comédie. Frédéric berna effrontément son ancien maître. Il avait juré, à son deuxième couronnement royal, à Aix-la-Chapelle en 1215, de partir pour la croisade. Il demande délai sur délai. Il avait juré de renoncer à la Sicile. Il la reprend à son fils Henri. Il ne peut se détacher de ces beaux pays où il a mis son âme. Il veut obtenir du pape de les conserver sa vie durant. En avril 1220, il fait élire son fils Henri, roi des Romains, et, pour calmer Honorius III, il lui écrit impudemment que l'élection s'est faite à son insu. Au mois de septembre, quand il revient en Italie, il se montre doux, conciliant. Dans l'affaire des biens de Mathilde, toujours débattue depuis près d'un siècle et demi, il fait droit aux réclamations pontificales. N'est-il pas, comme il le déclare à plaisir, le fils soumis d'Honorius? En novembre 1220, ils entrent ensemble à Rome. Frédéric est couronné empereur. Il arrive à ses fins. Il obtient de garder le royaume de Sicile, à la condition de lui donner une organisation administrative indépendante de celle de l'Empire. On a vu plus haut qu'il n'y manqua point, mais que le régime qu'il établit ne plut guère à la papauté. D'ailleurs, il est prodigue des promesses, de concessions. Par une constitution promulguée le jour de son couronnement, il accorde à l'Église les privilèges les plus étendus aux dépens des libertés municipales. Politique assez habile puisqu'elle visait à brouiller la papauté et les villes. Mais, en outre, à l'époque où Saint-Louis avait une si judicieuse fermeté, allait refuser de mettre le pouvoir séculier au service des excommunications ecclésiastiques, Frédéric II y consent, et il impose à ses fonctionnaires la poursuite des hérétiques. « Nul, dit-il encore, ne doit exiger des redevances d'une église ou d'une personne ecclésiastique. Nul ne doit citer devant un tribunal laïque un ecclésiastique, soit pour une cause civile, soit pour une cause criminelle. » Était-il sincère lorsqu'il subordonnait ainsi l'État à l'Église? On peut en douter. La préoccupation de garder le sud de l'Italie dominait toute sa politique. Il y sacrifiait tout. Sûr de ce point, il devait ajourner sans scrupule l'exécution des promesses dont il se montrait si large. Sans doute, il avait l'intention de faire une croisade qui servirait les intérêts de sa gloire et de sa politique. Mais ne fallait-il point d'abord rétablir l'ordre dans son royaume du Midi? Tant dit qu'il s'en occupe, les croisés qui, en 1217, sont partis pour l'Égypte sous la conduite de Jean de Brienne, sont obligés de livrer Damiette, 1221. Le pape accuse Frédéric d'être la cause de ce malheur, le menace de l'excommunication. L'empereur le calme par de bonnes paroles. En 1223, à l'assemblée de Ferentino, il s'engage à partir en 1225. Il épousera Isabelle, la fille de Jean de Brienne, l'héritière du royaume de Jérusalem. En effet, en Allemagne, en Sicile, il fait de grands préparatifs. Hermann de Salza, grand maître de l'ordre teutonique, travaille à décider les princes allemands. Lorsque le terme fixé approche, Frédéric propose un nouveau délai. Il jure de partir en août 1227, célèbre son mariage avec Isabelle et aussitôt, sans se soucier des droits de son beau-père, il prend le titre de roi de Jérusalem. D'autre part, il parle de restaurer les droits de l'Empire. Il exige des habitants de Spolète, qui dépendent du Saint-Siège, le service militaire. Honorius III s'alarme. Il accuse Frédéric d'ingratitude. Celui-ci quitte le ton humble, mais son langage, son attitude, inquiète aussi les villes qui sentent leur liberté menacée. La Ligue lombarde se reconstitue en mars 1226 pour 25 ans. Lorsque Frédéric descend en Italie, son fils Henri, qui commandait un des corps d'armée, voit les habitants de Vérone lui refuser le passage et doit retourner en Allemagne. L'évêque d'Hildesheim jette l'interdit sur la Ligue. À Borgo San Donino, l'empereur met les villes rebelles, Milan, Vérone, Plaisance, Versailles, Lodi, Alexandrie, Trévise, Padoue, Vicence, Turin, Novare, Mantoue, Brescia, Bologne, Faenza, au banc de l'Empire. Mais le pape, qu'il est obligé de prendre pour arbitre, refuse d'approuver l'excommunication. Ainsi, même sous le pacifique Honorius III, l'alliance entre la papauté et la Ligue lombarde semblait à la veille de se reformer. Grégoire IX. En mars 1227, à ce pape débonnaire et crédule succède Grégoire IX. C'est un vieillard octogénaire, mais encore plein de fougue et de passion, incapable de ménagement. La comédie que Frédéric II jouait depuis plus de 10 ans avec une si libre désinvolture tourne aussitôt au drame. Sommé de partir, il s'embarque à Brindisi le 8 septembre, mais le 11, il revient. Le landgrave de Thuringe qui l'accompagnait est mourant. Lui-même est malade. Il écrit au pape, il s'excuse. Grégoire IX ne veut rien entendre. D'Anani, le 29 septembre, il lance contre lui l'excommunication. Frédéric y répond par un manifeste où il se justifie, accusant l'Église romaine d'être devenue pour lui une marâtre. Il le fait lire au Capitole, sur la volonté du Sénat et du peuple romain. Il révoque la cession à l'Église romaine de la marche d'Ancône et des biens de Mathilde. Par ses intrigues éclate à Rome une émeute gibeline qui dirige les Frangipani et, le lundi de Pâques 1228, Grégoire IX, insulté par la foule dans la basilique de Saint-Pierre, est obligé de fuir. La croisade de Frédéric II. Maintenant, les rôles étaient intervertis. Le pape interdisait la croisade. Il déliait les croisés de leurs engagements. Il ne voulait point qu'un empereur excommunié pût diriger une guerre sainte. Au contraire, Frédéric est résolu cette fois à accomplir son vœu, afin d'être en droit de déclarer qu'il défend les intérêts de la chrétienté contre l'ambition égoïste de la papauté. En juin 1228, il s'embarque de nouveau à Brindisi. Au mois de septembre, il est en Terre Sainte. Les rapports de Frédéric II avec les princes musulmans ont été jugés avec passion par beaucoup de ses contemporains. Sans doute, il fut très loin de partager les sentiments et les illusions qui, mêlés à des mobiles moins nobles, exercèrent quelque influence sur les premières croisades. Mais, autour de l'empereur, plus d'un jugeait comme lui qu'il était chimérique de rêver encore de la destruction des infidèles et que la sagesse conseillait de s'entendre plutôt avec eux. S'il eut recours à la diplomatie plus souvent qu'aux armes, il ne fut pas le premier qui signa des traités avec les musulmans et, si ses ennemis sont allés jusqu'à prétendre qu'il leur vendait des jeunes chrétiennes, rien ne le prouve. Héritier des rois normands, il adoptait à l'égard de l'Orient arabe une politique dont dépendait la prospérité commerciale des villes italiennes. Ces traités mêmes, que ses ennemis exploitèrent contre lui, la papauté les approuva dans les intervalles de la lutte, au moment où elle consultait les intérêts de la chrétienté plus que ses passions. Et en effet, Frédéric II y stipula toujours la possession des lieux saints. Peut-être l'étude des faits montrera-t-elle que sa conduite, moins héroïque que celle d'un Godefroy de Bouillon, était du moins pratique, tandis que la papauté, en le poursuivant de sa haine au-delà des mers, contribua en grande partie à la ruine des établissements de Terre Sainte. Sur ce point, sa politique n'a d'ailleurs pas varié. Dès 1215, il envoyait l'évêque de Céphalue en Égypte pour renouveler les traités qui existaient entre ce pays et la Sicile. Mais il ne trahit point la cause des croisades, car en 1221, il expédie des renforts à l'armée chrétienne qui guerroie là-bas, et son amiral essaye de défendre Malte. S'il montre peu d'empressement à partir lui-même et à compromettre ainsi les intérêts de l'autorité impériale en Allemagne et en Italie, la réalité de ses armements ne saurait être niée. Quand il part enfin, Grégoire IX l'accuse de ne pas en mener de forces suffisantes. Mais 1500 chevaliers et 10 000 soldats l'attendaient en Syrie, et parmi eux le grand maître de l'ordre teutonique, le vaillant et habile Hermann de Salza. À ce moment, l'opinion publique lui était en général favorable. On blâmait le pape de sa rigueur et un contemporain comparait Frédéric au Christ victime de Caïphe. Là-bas, il est vrai, il négocie avec le Soudan du Caire, Malek el Kamel, mais en se montrant prêt à combattre. La trêve, conclue pour 10 ans au mois de février 1229, stipulait pour les chrétiens la possession de Jérusalem, de Bethléem, de Nazareth et des villages qui assuraient les communications avec Ptolémaïs. Le patriarche de Jérusalem attaquait ce traité. Mais d'autres, comme Hermann de Salza, trouvaient qu'il présentait de sérieux avantages. Dans une lettre au pape, il faisait observer que Frédéric aurait obtenu des conditions meilleures si on n'avait pas été en courant, en Orient, des discordes entre la papauté et l'Empire. Le 18 mars, Frédéric excommunié prenait, sur l'autel de l'église du Saint-Sépulcre, la couronne du royaume de Jérusalem, sans qu'elle eût été bénite, sans qu'on eût célébré l'office. Il faisait lire un discours conciliant et habile, où, au lieu d'attaquer le pape, il l'excusait. Au contraire, dans l'autre camp, dès le lendemain, l'archevêque de Césarée, d'après l'ordre du patriarche de Jérusalem, venait jeter l'interdit sur les lieux saints. L'opposition acharnée du patriarche et des templiers exaspéra l'empereur, le porta à des mesures violentes. Mais, après son départ, Balian de Sidon, qu'il avait chargé de l'administration, sut tout à la fois se défendre contre les attaques du Soudan de Dama, Al-Shraf, et contre les menées du parti opposé à l'empereur, que dirigeait notamment la puissante famille des Ibelins. En 1231, d'ailleurs, Grégoire IX ratifiait la politique de Frédéric II. Il écrivait au grand maître des Templiers pour lui ordonner de respecter le traité de 1229, si nécessaire à la tranquillité de la Terre Sainte. Dès lors, comment justifier le pape et ses partisans d'avoir dans la suite troublé cette tranquillité? Quand la lutte eut repris entre lui et l'empereur, était-il sage de l'étendre à la Terre Sainte et d'y compromettre la situation déjà si précaire des chrétiens? C'est pourtant ce qui eut lieu. Les Vénitiens s'engagèrent envers le pape à attaquer l'empereur et ils le firent en Syrie. Les adversaires de l'empereur, s'enhardissant de plus en plus, chassèrent les impériaux de Saint-Jean d'Acre. Ils enfreignirent les traités conclus avec le Soudan d'Égypte, Ayoub. Ce fut alors que celui-ci, pour se venger, fit appel aux Turcs Karimzmiens. Ils se jetèrent sur Jérusalem. Les fortifications de la ville n'avaient pas été relevées. Il fallut l'abandonner, et les Latins, surpris dans leur retraite, furent massacrés. 1244. Jérusalem était définitivement perdue, et l'effort que firent aussitôt les chrétiens de Syrie pour la reconquérir aboutit à une nouvelle défaite à Gaza. Octobre 1244. Le traité de San Germano. Au mois de juin 1229, Frédéric II s'était embarqué pour l'Italie. Il était temps. Si les impériaux avaient envahi la marche d'Ancône, le pape avait délié les sujets de Frédéric du serment de fidélité et il avait jeté sur le sud de l'Italie une armée qu'il soldait. Jean de Brienne, l'ex-roi de Jérusalem, et deux cardinaux la dirigeaient. Les dispositions des barons de ces régions, avides d'indépendance, favorisaient leur entreprise. En Allemagne, Grégoire IX se servait des dominicains pour exciter l'opinion contre l'empereur. Il songeait à lui opposer un anti-roi, le Welf Otto de Lunebourg, qui s'y refusa. Le duc Louis de Bavière trahissait l'Empire, mais il fut vaincu par le roi Henri. Le retour subi de Frédéric II déconcerta ses ennemis. Les troupes pontificales évacuèrent le royaume sicilien, qui rentra dans l'ordre. Grégoire IX, hors d'état de continuer la lutte, dut traiter. Hermann de Salza négocia la paix. Elle fut conclue à San Germano au mois d'août. Frédéric amnistiait ceux qui avaient pris le parti du pape. Il promettait de livrer les places qu'il occupait dans la marche d'Ancône et dans le duché de Spolète. Il assurait au clergé du royaume sicilien des privilèges importants, comme l'exemption des impôts et de la juridiction séculière. Le 28 août 1230, Frédéric fut relevé de l'excommunication. Le 1er septembre, à Anagni, eut lieu entre les deux adversaires une entrevue solennelle. Ils s'assirent ensemble à table, causèrent longuement, sans autre témoin qu'Hermann de Salza. « Le pape, écrivait Frédéric, m'a parlé à cœur ouvert et a calmé et rasséneré mon âme. Je ne veux plus me souvenir du passé. » L'empereur, écrivait de son côté Grégoire IX, est venu nous trouver avec le zèle d'une dévotion filiale. Nous nous sommes entretenus affectueusement, et j'ai vu qu'il était prêt en toutes choses à accomplir par tous les moyens nos instructions et nos désirs. Fin de la section 17.